What's up, what's up? This is the original Dirty Rotten Scoundrel. Jerry the Damage, I'm out here in France with my man Doodle Master. You know what I'm saying? And we just taking it back to the essence. Back to the roots of real hip hop. Just back to the roots of realness. You know what I mean? If you real in your mind, your heart and soul, this song is for you. And if you not, we here to destroy you. Les vraies valeurs en permanence comme d'hab se perdent. On les brûle comme nos vies aussi vite que des joints d'herbe de bœuf. Le verbe la plume m'efface, mais là l'amertume ça devient comme une coutume. On se case, on se consume sur le billet. Pour pas une thune, on a zappé, oublié ce qu'était la saveur. Les vérités, les senteurs, la chaleur, l'honneur, toutes les bonnes sauces. Sans pas, laisse une place pour le retour de la source. Laisse pousser les fruits, on fera les récoltes comme en brousse. Si tu le sens, laisse aussi les dreadlocks pousser. Laisse notre ressource et te saucer, te bercer, te le donner avec respect. Back to the roots like fruits and vegetables. I touch the mic and get freaky, although it's not sexual. The government got us fucked up and brands us criminal. If you're black, you're a crook, and that's international. Burning out your life, chasing franks, cause cash rules. The master of the planet, not using his tools. Life is what you make it. Take it from J.Ru, the damager, along with Dudu, the master. On se fait un retour aux racines. Back to the essence. Retour à l'essence. Back to the roots. Back to real hip-hop. Back to the soul, the black man in truth. Retour aux racines. Back to the essence. Retour aux sources. Back to the roots. Retour de la sincérité et au bon sens. Retour de la pureté et de J.Ru qui nous ambiance. I'll be back to the roots like hip-hop music. Where my mind escalate, record spin, fans break. Here's the truth for the youth from the rhyme disciple. They'll put your soul on fire and send it twirling like Michael Jackson. The spirit is the main attraction. Death, crime and hate, a natural reaction. Use your mind and avoid disaster. Take it from J.Ru the Damager and Dudu the Master. Et comme J.Ru c'est You Can't Stop the Prophet. De retour back to the road, c'est pour la planète. Qu'un et qu'un frivola, le concept naturel, grosse coupe, gros bec, point 7. Réunion d'intellect, connexion plus que parfaite. C'est parfait. Comme les rencontres de nos ancêtres, on parle vrai, pas pour le paraître. African, faut que tu l'acceptes, plus que dans la peau, c'est dans la tête. Back to the essence. Retour aux racines. Back to the roots. Retour aux sources. Back to real hip hop, the righteous path and the black man's presence. Present. Retour aux racines. Back to the roots. Retour à l'essence. Retour de la sincérité au bon sens. Retour de la pureté, J.Ru qui nous ambiance. Back to the essence like drums in Africa. It's J.Ru the Damager and Dudu Master. Retour à l'essence, à la source comme dans les tambours d'Afrique. Come back sur Dudu Master et J.Ru l'endommageur. Retour des grands bonhommes du hip-hop de Vitrillion à Brooklyn. It's the return of the big men of hip-hop from Vitry to Brooklyn. Don't stop till we say when. It's not about Franks but rhyming. Retour de la pureté héritée, pas du billet mais de la rime. Retour de toutes les familles africaines, retour à nos racines. Sans phrase qu'on a de vrai dans le cœur. The heart of Africa's here. Back to the roots because we care. On se fait un retour aux racines. Back to the essence. Retour à l'essence. Back to the roots. Back to real hip hop. Back to the soul. The black man in truth. Retour aux racines. Back to the essence. Retour aux sources. Back to the roots. Retour de la sincérité et au bon sens. Retour de la pureté et de J.Ru qui nous ambiance. H, Bougo Top, Bougo Top du Lyonnais. Gang Dudu Master, J.Ru de Damaja. Vitry Lyon à Brooklyn.